Le jingle. On a un jingle. En fait, on n'a pas un jingle nouveau. Mais... Ah non. Mais je vais faire une proposition, c'est-à-dire que je vais mettre les deux jingles à la fois. Ah oui. Ouais. Wow. Attila Faravelli, Jérémy Chevalier, ou les deux, deux. Hein? Oh, les deux. Eh bien non, aujourd'hui c'est Jérémy Chevalier. Ça marche super bien. Bonjour Attila, bonjour Jérémy. Comment allez-vous en cette dernière journée, en ce dimanche de Pâques? Est-ce que vous êtes prêts pour aller chercher les œufs après notre interview? Ma fille, elle est prête. Je ne savais pas qu'il y avait des œufs, mais... Mais non, il faudra les trouver. Est-ce que pour tout le monde, c'est mon nom ou c'est que mon casque qui s'est déplacé que sur la gauche? C'est que pour toi. Ok, bah, gentiment, je vais perdre lui. Bon, tu commences avec l'effet cathédrale. Exactement. Je vais devenir sourd après 10 jours de Festival Archipel. Bon, bah, on vous écoute, Jérémy Attila. Je ne sais pas si vous avez préparé quelque chose ou ça va être improvisé. And if you want, we can speak in English. On peut le faire en français, mais comme tous les jours, j'ai ramené des choses à lire parce que moi, j'aime les quotations. Exact. Donc, mais toi, Jérémy, tu vas écouter, alors on va partager comme ça le plateau. Ouais. C'est vrai, ce que je veux lire, c'est lié à ce que Jérémy fait, qui c'est vraiment pareil que moi, qui c'est un peu de trafiquer avec les objets, de ne pas se poser trop de questions avant d'utiliser les mains. C'est un peu ça. Ouais. Donc, j'avais lu un livre que j'aimais beaucoup qui s'appelle Sketching User Experience, qui c'est à propos du design et de l'importance de faire les choses n'importe quoi. On dit ça en français, de faire même n'importe quoi quand tu fais des choses sans trop être mental. Parce qu'il va y avoir des expériences que tu fais si tu fais des expérimentations. Donc dans ce bouquin-là, il y a deux choses de quoi je voulais vous parler. Il y a le très connu Ceramic Class Example. C'est le bouquin est en anglais, donc je vais le lire en anglais. Et il dit ça. The ceramics teacher announced on opening day that he was dividing the class into two groups. All those on the left side of the studio, he said, would be graded solely on the quantity of work they produced. All those on the right, solely on its quality. His procedure was simple. On the final day of class, he would bring in his bathroom scales and weight the work of the quantity group. 50 pounds of pots rated an A, 40 pounds a B, and so on. Those being graded on quality, however, needed to produce only one pot, but a perfect one, to get an A. Well, came grading time, and a curious fact emerged. The works of highest quality were all produced by the group being graded for quantity. And this is the success, okay, je trouve important. It seems that while the quantity group was busily churning out piles of work and learning from their mistakes, the quality group had sat theorizing about perfection, and in the end had little more to show for their efforts than grandiose theories and a pile of dead clay. Et moi, je le trouve très, très intéressant, même si on va chez Jérémy dans son atelier, mais c'est vraiment pareil ce que je fais quand je fais mes objets. Je fais beaucoup d'expérimentations, je ne me pose pas trop de questions, mais il faut vraiment le faire. Donc, ce n'est pas la qualité, c'est vraiment la quantité et ce que tu apprends quand tu fais des choses avec tes mains. Ouais, de faire des choses sans réfléchir, ça peut amener à réfléchir. Oui, c'est ça. Ouais. Je me suis vraiment trouvé avec Jérémy dans cette façon d'approcher la matière. Oui, on a même les mêmes outils dans notre... Donc, et la dernière partie que je voulais vous parler, c'est on ne peut pas voir des photos, mais finalement, il y a dans le même bouquin, il y a, dans le même livre, il y a des maps des Esquimaux, qui sont des maps en bois, ils sont très beaux. Et c'est un exemple de ce qui marche, qui n'est pas technologique. J'ai pas exactement vu. Donc tu dis que c'est des cartes en bois des Esquimaux, c'est ça? Finalement, c'est des maps. Ouais. On peut les expliquer. Oui. Est-ce que tu est-ce qu'on arrive à décrire ? C'est pas évident de comprendre comment c'est fait, parce que donc, en fait, c'est des dessins dessus ou c'est des sculptures qui sont en elles-mêmes des cartes ? Jérémy a une idée de descriptive. Je peux essayer de le décrire. Ouais. Oui, j'arrive pas à le dire en français. Ouais. Donc, Jérémy va le décrire. Vas-y, c'est mieux. Si je dis faux, tu pourrais jouer. C'est des morceaux de bois qui sont taillés. De la forme de, si je comprends bien, c'est l'eau en fait. C'est la côte. Ça, c'est, je ne sais pas en fait si c'est négatif ou positif. Est-ce que c'est la côte ou est-ce que c'est l'eau Je pense que c'est la côte. C'est la côte. Donc en fait, la côte, c'est comme une sorte de maquette tridimensionnelle des côtes en fait. Donc il y en a une là, ici, c'est sur une sorte de planche de bois qui, et la forme en fait, reprend la forme des côtes différentes. Donc des presqu'îles, etc., genre de trucs. Et l'autre. Qui est pareil, mais qui est plus une forme un peu de bâton. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que en fait, ça tient dans la main. Mm. On n'est même pas obligé de le regarder. C'est comme si, en fait, on peut voir ça. Le texte fait un peu une analogie à ça. En tout cas, il propose des photos qui font analogie à ça. C'est-à-dire que l'espèce de planche sur laquelle il y a les cartes, à côté, il y a un ordinateur portable avec Google Maps. Et l'autre, celui qui ressemble plus à un bâton qu'on peut tenir dans la main. Il ressemble, et à côté, il y a une photo d'un téléphone portable. Et donc, il y a ce rapport à la main, la chose qui tient dans la main, avec lequel on peut se repérer. En plus, s'il tombe à l'eau, il flotte à la surface. Il a été étudié pour que s'il chute de 10 mètres, il ne casse pas. C'est beaucoup plus solide. Et donc, j'adore cette espèce de technologie primitive, mais qui est extrêmement intelligente. Et il y a un rapport très tactile avec ça. Mais c'est fou parce que ça montre aussi un rapport à la façon de conceptualiser le monde qui est complètement différente. Enfin, d'un coup, je fais une analogie avec les cartes de la société occidentale, où on pensait encore que la Terre était plate, mais donc qui va avec le fait qu'on avait des cartes plates et que là, tout d'un coup, on est avec un objet 3D. Et ça montre une façon de se rapporter au monde qui est très, très différente. Et ça, c'est des cartes qui datent de quand, tu sais, c'est des choses... Ils étaient créés par des Esquimaux. Ils les utilisent pendant qu'ils ont dans la canoë. Canoë. Mm-hmm. Donc tu peux les tenir dans les gants. Et en anglais, mittens, which is the gloves without fingers. Et donc j'ai trouvé ça intéressant par rapport à ce que Jérémy et moi... On fait des choses différentes, mais on a toujours la même manualité, je pense. Et aussi, on aime trafiquer. J'avoue que j'étais faire mon expérience avec le micro l'autre jour et j'ai découvert qu'il y avait un son d'enfant qui était évident à l'extérieur. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ça ? Et c'est pas possible qu'il y a des enfants et je ne les vois pas. Donc j'ai découvert que Jérémy avait choisi de changer l'ambiance. Il a mis une enceinte. Tu vas l'écouter après. Il a mis un autre parleur avec des sons des enfants qui font des bourdelles à l'extérieur. Donc il a changé juste un petit peu l'ambiance. Et moi j'aime. Je crois qu'on fait des choses vraiment différentes, moi et lui, mais on s'est trouvé sur ça, de faire des petites actions qui changent. Qui décalent le réel. Du coup, Jérémy, je vois que tu as amené en engin, là, que je vois mal depuis ici. C'est une petite expérimentation qu'on a faite avec Attila, parce qu'on a commencé à réfléchir. En fait, il m'a vu manipuler mon espèce de morceau de terre humide, molle, et enregistrer avec, en essayant d'ouvrir, trouver des fréquences de résonance. Il trouvait ça assez beau, le fait que ça tienne dans la main, etc. Puis et tu peux le bouger aussi, qui n'est pas stable, qui est tout changer. Ouais. Et il m'a un peu proposé de réfléchir peut-être à un Oral Tools. Et du coup, on s'est dit, c'est Attila qui m'a plutôt dit qu'en fait, on pourrait refaire un microphone, mais c'est compliqué, il faut un casque, un préampli, etc. Donc on a commencé juste avec un petit haut-parleur. Et essayer de mettre un haut-parleur dans, alors quelque chose aurait été de la terre. Moi, j'ai proposé le silicone, donc je suis arrivé avec un bout de silicone. Lui, il m'a prêté son ampli à pile. Et on a commencé à diffuser des sons. Je sais pas si on peut faire une petite démo. Pourquoi pas. On peut le connecter avec le... Ah oui, c'est bon. Et donc, c'est un amplificateur pour parleur qui a, il reçoit du signal Bluetooth, c'est ça, ouais, non? Donc, tout à fait. Attila, tu envoies maintenant du signal sur... Oui, je lui ai donné le même électronique qu'il y a dans des autres objets, donc c'est une pile et un amplificateur Bluetooth, très simple. Mm-hmm. Et Jérémy l'a connecté à un autre parleur. On ne le voit pas, mais il y a du silicone. Ouais, le parleur, ouais. Il est à l'intérieur d'une sorte de papier en silicone qui, ouais, c'est ça. Qui l'entoure. Ça peut, on a parlé pas mal avec Antoine de ça, de la façon que la voix, la bouche change la résonance des objets, la gambarde, ce qui Antoine joue, la maranzana en italien. Et c'est génial pour moi de trouver des façons de moduler. Ouais. Un son avec une architecture qui est dans notre bouche. Ouais, oui. Donc, c'est pas une chambre, c'est vraiment notre corps qui change. Tout à fait. C'est une façon de sculpter le son à la fin du processus. Ouais. On va essayer s'il y a peut-être un morceau. Donc, Jérémy, il tient le papier en silicone avec le parleur dedans et Attila, il envoie du son. Et, on va voir s'il y en a. Quelque chose un peu... Excusez-moi parce que je ne veux pas mettre un bruit blanc parce qu'il va voir la publicité sur YouTube, c'est ça. Ah oui, il faudrait utiliser des ad blockers. Je peux le mettre comme ça. Puis, alors du coup l'idée c'est effectivement si on ferme... Si on ferme le silicone, on peut varier un petit peu la fréquence de résonance du son qui sort. Donc si je ferme un peu plus, je peux un peu étouffer. Donc ça fait un peu l'effet que Attila a annoncé de l'idée de la bouche, de modulant la structure autour de la source sonore. Ouais. Et donc là, pour les auditoristes qui ne voient pas, Jérémy manipule le bout de silicone et il le referme, il recouvre le haut-parleur, il fait comme une sorte de petit bol, puis après il réouvre. Là il ferme, il ouvre, il ferme, il ouvre. Voilà. C'est encore un prototype, hein. On essaye des trucs. Mais d'un coup, je le vois, je trouve assez beau. En fait, ça, c'est un test de silicone que j'avais fait. Donc, j'avais juste coulé du silicone sur du papier froissé. Et en fait, je trouve assez beau que c'est du papier froissé, parce qu'il y a cette analogie à froisser la boule de papier. Et froisser le son, je sais pas. D'un coup, je trouve assez beau. Il faut qu'on y aille. C'est l'heure, dit Rudy. C'est bon. On a 3 minutes. On a trois minutes. Voilà. Et alors, moi, je me demandais justement pourquoi le silicone, c'est par rapport justement à ses propriétés acoustiques de résonance ou d'absorption, c'était un choix particulier. Le silicone, c'est un peu, on a cherché vite fait en discutant, puis j'ai pensé au silicone. En fait, on voulait un objet qui dure un peu dans le temps, qu'on peut un peu froisser, chiffonner, qui reprend sa forme. C'est pour des propriétés plus mécaniques. Après, au niveau du son, c'est vrai qu'il étouffe bien le son. Ça pourrait ressembler un peu à la peau aussi de la bouche. Il y a quelque chose de son élasticité. Ouais, tout à fait. Il y a un truc un peu corporel dans le silicone toujours. Enfin, quand on fait les mannequins en silicone. Les prothèses, Donc ça c'est un projet que vous avez. Pardon. C'est un projet que vous avez imaginé ces jours pendant le festival. Ouais. Et vous avez une intention peut-être de développer quelque chose là autour. Des objets. Ouais. Ouais. Ouais. Moi vraiment je cherche toujours des gens qui font des choses intéressantes avec qui on peut travailler au dessous des projets. Ouais. Normalement les gens avec qui je travaille ils font rien avec ses mains alors que Jérémy il est déjà très manuel, toute une façon déjà très développée de créer des choses. Donc ça pourrait être intéressant de travailler ensemble dans une façon qui est un peu plus paritaire parce que normalement moi je suis vraiment ce qui fait les choses. Tu mets en forme les idées des autres parfois. Bon, bah, merci beaucoup, Jérémy et Attila. Bah, du coup, ça a été une vraie rencontre, parce que là, on a découvert votre rencontre de la semaine avec un projet futur qui va aboutir. Je pense que Marie, elle a vraiment trouvé deux personnes qui ont la même façon, même si on fait les choses différentes, on se retrouve sur la façon qu'on fait les choses. Mmh. Donc, c'est vraiment trafiqué d'essayer, expérimenter. C'est très bien. Très bien. Ben, merci au Festival Archipel d'avoir permis cette rencontre. Merci à vous. Merci à vous. Merci et à l'année prochaine. Tout le monde attend en haut.